La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, c'est l'édition du dimanche 27 janvier, un janvier finissant sous la neige, mais un janvier en aventure sonore. Alors, je vous propose ce soir une rencontre avec Myriam Boucher, Pierre-Luc Lecourt, qui était de passage à Québec en décembre dernier, dans le cadre d'une résidence de création. Alors, VG, artiste sonore, musicienne et vidéaste, Myriam Boucher, pour vous parler un peu d'elle. Elle développe depuis une dizaine d'années une recherche sur les rapports parfois mystérieux qu'entretiennent la musique, le son et l'image. Fascinée par la nature, dit-elle, ses musiques visuelles sont le plus souvent inspirées des paysages façonnés par la nature et les humains. Alors, ses créations prennent donc la forme de performances audio-vidéo plutôt qu'audio-visuelles. C'est l'expression qu'elle utilise. Elle est bachelière en musique numérique, doctorante à l'Université de Montréal. Elle recevait en 2017 la bourse du Canada Joseph Armand Bombardier. Myriam a collaboré avec de nombreux créateurs, dont Mikhaïl Belinsky, qui sera au programme du mois multi très bientôt, et elle fait partie du collectif Quadair qu'on a pu voir à Québec il y a quelques années. Son travail a été présenté dans de très nombreux événements et festivals internationaux, dont MUTEC, Rendez-vous du cinéma québécois, au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, en France, et dans le contexte d'Acousma. En ce qui concerne Pierre-Luc Lecourt, qu'on a eu la chance de recevoir l'hiver dernier à l'émission, Pierre-Luc, il est compositeur et artiste multidisciplinaire, dont la pratique artistique combine la musique, le paysage sonore, la vidéo et la performance. Son travail, on pourrait dire qu'il se caractérise par une recherche d'expressivité sonore, c'est l'expression qu'il utilise, au sein d'œuvres qui explorent des thèmes liés, lui aussi, comme pour Myriam, à la nature, aux phénomènes sociaux et politiques. Il s'inspire, dit-il, autant des courants de la musique contemporaine que de la musique électronique ou expérimentale. Bernard Parmigiani compte parmi ses sources d'influence. Ça, c'est un fruit de la conversation qu'on avait ensemble il y a quelques mois. Pierre-Luc a réalisé des trames musicales pour le cinéma, le théâtre, la danse et la télé. Son travail a entre autres été entendu aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal, au Chicago Film Festival, à la BBC, à Radio-Canada, au Hot Docs et à Radio France. Donc, un beau palmarès pour Pierre-Luc. Son prochain album, Paysages imaginaires, sera publié dans quelques semaines sous l'étiquette Microclimat. Et ce soir, en toute première, on va pouvoir en écouter quelques extraits. Alors, cela dit, Myriam Boucher et Pierre-Luc Lecourt travaillent ensemble depuis une dizaine d'années, partageant à la fois leur vie professionnelle et leur vie quotidienne. Alors, je les accueille ce soir en entrevue à propos de ce nouveau projet de création visuelle et sonore intitulé Empreinte, un projet dont ils ont complété la réalisation ici à Québec en décembre dernier. Alors Myriam, Pierre-Luc, vous êtes en résidence depuis quelques jours à Recto Verso, dans le studio d'essai. J'aimerais que vous me parliez de ce projet qui demeure sans titre à ce moment-ci, c'est ce que je décode. En fait, on vient de déterminer le titre qui est « Empreinte », mais il n'y avait pas vraiment de titre au départ. C'est un projet d'installation tiré d'une performance qu'on a composée cette année, une performance audiovisuelle qui s'appelle « Éléments », qu'on a composée en février dernier, puis qui a pris différentes formes là, pendant l'année. Au début, c'était une vidéo et musique, puis c'est devenu une performance. Puis moi, puis Pierre-Luc, les deux, on fait la vidéo et la musique dans ce projet-là, et dans l'installation aussi. Comment on pourrait caractériser ce travail-là par rapport à vos productions antérieures? Est-ce que c'est un prolongement? Est-ce qu'on est en déclinaison qui est un peu différente? Je pense que c'est quand même en lien direct avec nos pratiques respectives. Au niveau du travail visuel, ça vient tout de la nature. Donc, on est beaucoup dans des vidéos qu'on a prises dans les dernières années. Donc, beaucoup d'eau, beaucoup de plans très rapprochés. Puis ça a servi comme matière à travailler. Puis au niveau sonore aussi, on est dans vraiment un mélange entre quelque chose qui est très proche du paysage sonore puis d'une musique plus traditionnelle. Ça fait qu'on est vraiment dans le croisement. Puis au niveau audio, c'est de quoi qu'on pratique les deux. Puis particulièrement, peut-être moi, cette année, c'est vraiment une pratique, un mélange que j'ai commencé à faire de plus en plus. Donc, de mélanger les sources sonores puis d'évoquer des espaces avec des prises de son naturalistes, musicalisées avec sur des instruments ou des sons de synthèse. Est-ce qu'on peut dire que toi, Pierre-Luc, tu es plus du côté expérimentation sonore et que Myriam est du côté de l'expérimentation vidéo ou je me trompe totalement? Bien, dans la vie, ça fait plus longtemps que Pierre-Luc que je fais de la vidéo. Fait que c'est sûr qu'on m'associe beaucoup, souvent, à celle qui fait de la vidéo. Je fais beaucoup de musique aussi. La plupart de mes projets personnels, tous mes projets personnels, je compose la musique dedans. Puis, mais dans ce projet-là, Pierre-Luc a commencé à faire de la vidéo cette année. Hein. Puis dans ce projet-là, en fait, je pense que c'est un de tes premiers projets dans lesquels tu fais de la vidéo. Fait que dans celle-là, les deux vraiment ont fait la vidéo et la musique à part égale. Fait que c'était la première fois que je faisais une collaboration comme ça pour la vidéo, parce que d'habitude, je la fais plus toute seule. Oui. Donc, pour se mettre un peu dans l'ambiance, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute un premier extrait du travail que vous êtes en train de réaliser, puis on reprend notre échange là-dessus. Pierre-Luc et Myriam, on vient d'entendre ce qu'on pourrait appeler le premier tableau de ce projet. Comment vous l'avez construit, ce tableau-là, au départ? Ce tableau-là est directement tiré là, de la performance, au niveau visuel, du moins. Là, on est comme ceux qui auraient vu la performance pour reconnaître quand même certaines images. C'est qu'on est dans une évocation de l'eau. Donc, on a pris des prises de son, de vagues, puis on les a transformées. Donc, par moments, cette eau-là, on l'entend qui se transforme en air. Ça fait que, tu sais, on va chercher le mouvement et visuel et sonore de l'élément, mais on s'en va peut-être dans un monde un petit peu plus abstrait avec ça. Puis, comme on l'entend, là, c'est mélangé aussi par moments avec des bols tibétains qui ont été comme un peu trafiqués. C'est que ça crée une espèce de mouvement un petit peu vers l'avant, plus stable, plus un petit peu plus plat, avant d'aller vers les autres tableaux qui sont peut-être un petit peu plus agités. Puis là, on ne l'entend pas parce qu'on est en stéréo, mais comme dans l'installation, c'est à quatre bandes. Donc, il y a aussi un jeu de réponse, un jeu de spécialisation avec les écrans. Donc, par moment, il y a des vagues qu'on voit qui sont synchro avec l'écran qui est associé au haut-parleur. Ce premier tableau-là, ça donne un petit peu le ton à l'installation, même s'il n'y a pas vraiment... Les trois tableaux peuvent être écoutés dans le désordre. Là. Il n'y a pas vraiment de début puis de fin, mais on est vraiment dans la matière là, aqueuse, dans l'eau, la vague, le mouvement de va-et-vient, le cycle, la répétition, puis la grandeur aussi, que la musique donne un effet de grandeur à l'espace, à la vague, au vide, tout ça. Puis après, le reste de l'installation, ça se referme un peu, justement, vers, des matières vraiment plus... des figures vraiment plus prononcées, plus violentes, un peu, des itérations un peu plus anxiogènes. C'est ça. Un contexte anxiogène pour les spectateurs, c'est la description que tu en fais, mais qu'est-ce que le spectateur va découvrir? Donc, si tu me parlais de l'aménagement physique de cette installation. Comme Pierre-Luc l'a dit, c'est une installation pour... il y a quatre écrans, quatre haut-parleurs. Puis on crée vraiment des univers audiovisuels très, très proches de ce que tu peux avoir quand tu regardes la nature ou tout ça. C'est très paysage sonore et visuel, mais aussi on a travaillé beaucoup l'espèce de synchrèse entre les sons vont offrir un nouveau regard sur l'image que tu es en train de regarder. Des fois, ça va changer. Il y a vraiment des espèces de métamorphoses. OK, je regarde de l'eau, mais là, c'est plus de l'eau, c'est autre chose. Ce que j'entends, finalement, ça me fait dire que là, ce que je vois, finalement, c'est autre chose que je pensais. Fait que l'écoute et le regard changent. Peut-être pour ajouter, là, au niveau, je pense, de l'expérience, ça ressemble beaucoup à de la peinture, mais qui bouge. Puis c'est ça aussi, les écrans, c'est des écrans qui sont, au lieu d'être placés de manière horizontale, sont placés plus sur le sens vertical. Donc ça donne l'impression vraiment d'être entouré de quatre toiles géantes qui bougent. Ça fait qu'il y a un côté assez immersif là, à l'expérience. On va écouter un second tableau. Là, on pourrait y aller avec la glace. Ouais, la glace. Comme plus, ça ressemble à de la glace. Il y a de la glace au début qui est comme cassée, là. C'est assez comme articulé. Puis à un moment donné, ça se transforme en violoncelle, puis de la synthèse, puis ils font des glisses. Fait qu'on est dans un peu un monde presque légal. Thank you. On vient d'entendre ce second tableau. J'aimerais que, Pierre-Luc, tu nous en parles de ce qui compose ce deuxième tableau. Oui, c'est ça. C'est peut-être le tableau qu'on pourrait appeler le tableau de la glace. Donc là, on rentre dans un univers qui est beaucoup plus bruité, beaucoup plus articulé. Ça fait que c'est ça. Là, au début, c'est aussi par rapport au visuel, on est dans un presque des espèces d'arrêts d'images sur des textures qui sont très proches de la glace ou de la neige. Ça fait que c'est ça. Au niveau sonore, je pense qu'on a un parcours de la glace vers quelque chose qui est assez hivernal. Puis vers la fin, là, on entend aussi des jeux de violoncelle avec de la synthèse. Ça fait que l'on rentre dans un monde qui est un petit peu plus musical, à la Ligeti, à la limite. Là. Ce serait quoi la grande différence entre votre travail quand vous le faites individuellement et ce travail-ci avec Empreinte où vous travaillez en duo? Qu'est-ce que ça soulève comme défi? C'est sûr que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, moi et Pierre-Luc, ça fait près de 12 ans. Fait qu'on se comprend quand même bien, on n'a pas besoin de beaucoup parler, on est assez d'accord sur ce qu'on veut faire. Ce qui est vraiment intéressant dans une collaboration, où on est vraiment les deux à faire la musique et le visuel, c'est pas un fait la musique, l'autre le visuel, c'est que les idées... tout ça, c'est très, très, très enrichissant de se dire, ben là, on peut faire ça dans le visuel, puis l'autre a quelque chose à dire aussi. Puis moi, comme artiste vidéo, ça enrichit beaucoup, beaucoup mon travail, parce que Pierre-Luc, des fois, il pense à des affaires que j'aurais jamais pensées, ou c'est dans le son aussi. Fait que on est tout le temps dans un terrain vraiment d'échange super enrichissant. Pierre-Luc, on va entendre un troisième tableau. Je te laisserai nous le présenter. Oui, le troisième tableau, moi, je pense que c'est mon préféré. Autant au niveau de la matière sonore que visuelle, ça serait peut-être le tableau de la Terre. Ça fait que l'on rentre dans vraiment plus un matériau qui est très rythmique, très itératif. Ça fait que c'est au niveau de la matière, là, c'est le mélange de synthèse avec des orgues aussi. Ça fait que je pense que ça résume bien. On écoute ça. Myriam et Pierre-Luc, dites-moi, à partir des titres de vos tableaux, est-ce qu'il y a dans votre processus à la fois sonore, intellectuel, une préoccupation plus écologique? Est-ce qu'on, est-ce que je vais trop loin en disant ça? Non, vraiment pas. Tu vas vraiment pas trop loin, là. Oui, il y a une dimension très écologique, très engagée, très environnementale. Je veux pas, on travaille avec, bon, comme Pierre-Luc a dit, les éléments de la nature. Moi, c'est quelque chose que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma pratique personnelle. Puis dès qu'on enregistre des environnements naturels, qu'on filme l'océan, qu'on filme des... Ben, on... Ça vient de soi, là. C'est sûr qu'il y a un engagement quand même écologique. Et c'est pas mis de l'avant dans nos notes de programme, tout ça, mais c'est là. Oui. Ouais. Ben, je sais pas si j'aurais à rajouter. Sinon que ce projet-là aussi, je pense qu'il y a cette préoccupation-là de nous rapprocher un peu de ces matières-là, de ces éléments-là. Puis dans le cas de cette installation-là, donner un regard qui est comme... avec une certaine poésie, là, puisqu'on on s'approprie ces matériaux-là, puis on en fait quoi qui est assez différent de l'origine. Mais je pense que oui, il y a définitivement une préoccupation écologique, je pense, qui est presque obligatoire aujourd'hui, là. Dites-moi, Pierre-Luc et Myriam, ça fait plusieurs années que vous travaillez ensemble. Qu'est-ce qui aurait changé de manière significative entre maintenant et puis les premières années où vous travaillez la matière sonore, la musique, à la fois en duo, mais également individuellement? C'est sûr qu'au début, quand on a commencé à travailler ensemble, premièrement, je jouais des claviers, Pierre-Luc jouait de la guitare. Fait que c'était un autre genre de musique. On travaillait pas des matériaux sonores de la même façon qu'aujourd'hui, même si on les travaillait déjà beaucoup. On avait un groupe ensemble de post-rock, un groupe de musique instrumentale, et on travaillait déjà beaucoup, beaucoup les matériaux sonores, mais mélangés à une pratique vraiment, vraiment plus instrumentale. Finalement, là, aujourd'hui, la pratique instrumentale est moins là. On travaille plus les matériaux sonores, peut-être dans un langage un petit peu moins codifié, là, traditionnel. Puis, en plus, bon, moi, je fais de la vidéo, fait que ça, c'est nouveau. Ouais. Ouais, ben c'est ça, je pense que c'est peut-être la grosse différence. Là, à l'époque, on travaillait beaucoup plus avec les codes du monde instrumental, là, puis les effets de séries d'accords qui donnent une certaine émotion. Aujourd'hui, on est quand même de plus en plus loin de cette approche-là. C'est qu'il y a peut-être une approche plus contemporaine là, dans la manière qu'on approche la musique et la vidéo. Myriam, Pierre-Luc, merci beaucoup pour cette belle rencontre. Merci. Alors voilà ce qui complète cette belle rencontre avec Pierre-Luc Lecourt et Myriam Boucher autour de leur projet Empreinte. Je vous reviens après un bref battement promo. C'est la Croche-Oreille qui vous dit merci de rester à l'écoute. Particules sonores. Fragments de bruit. Au début, il y a eu le son. Gaétan Gosselin explore l'univers fascinant de l'art audio avec les artistes dont la matière première est le son. La Croche-Oreille, une présentation d'Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. C-K-R-L. Je puis être musique, bruit, silence. Point QC. CA. Communication. Culture. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. J'en profite pour vous rappeler que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous allez retrouver ça sur le web. Alors, vous y retrouverez les archives sonores de l'émission et des balados pour l'écoute immédiate ou en différé. Cela dit, je vous propose quelques pièces créées par Pierre-Luc Lecourt. C'est tiré d'un album à paraître dans quelques semaines intitulé Paysages imaginaires. Un album plutôt planant, magnifique, inspiré en partie ou en continuité, je devrais dire, d'un projet performatif qu'il a mené il y a quelques années avec Myriam Boucher sur ce thème du paysage sonore qui leur est cher. Alors, dans ce projet de paysages imaginaires, Pierre-Luc nous propose un mélange extrêmement subtil de sonorités acoustiques et électroniques, tout ça construit, je dirais, comme un film ou un roman, et s'inscrivant dans la foulée des grands paysagistes sonores. Je pense entre autres à Cage, évidemment, à Christian Zanesi, à Francisco Lopez, pour en nommer quelques-uns. Il y a dans ces paysages l'orage, du vent et des ambiances de soirées champêtres, raconte Pierre-Luc Lecourt, et le son des cloches de l'église Saint-Jacques à Montréal et des prises de son de train et le beau son de la mer, tout ça en field recording. Alors, on écoute une première pièce intitulée Accalmie, puis deux autres pièces, si on a un peu le temps, ensuite, qui sont tirées de l'album Paysages imaginaires de Pierre-Luc Lecourt. Alors, je rectifie immédiatement. On vient d'entendre la pièce Suspension et non la pièce Accalmie, tirée de l'album Paysages imaginaires de Pierre-Luc Lecourt. Un album à paraître bientôt sur étiquette Microclimat. Je pense à un album qui s'avère magnifique à l'écoute de cette première pièce. Je vous en propose une autre immédiatement et là, on écoute Accalmie. Alors voilà ce qui complète la croche-oreille pour ce soir. Vous allez retrouver le titre des pièces entendues sur le site La Croche-oreille. Mes remerciements très chaleureux à Pierre-Luc Lecourt et Myriam Boucher de m'avoir accueilli. Alors restez avec nous, c'est la web musique qui s'amène avec Simon Roy. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue et vous souhaite une bonne semaine. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. La Croche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.